Crois-tu qu'il est si facile de tourner la page et qu'en un battement de cils je peux effacer ce carnage? Il m'a déjà broyé le cœur, les tripes et l'osophage, il reste plus que ma voix. Ajoutée dans ce potage, j'évoquais une page, parlons plus d'un ouvrage que l'on a écrit tous les deux en deux ans d'âge. On n'a rien oublié aux étapes du bon lecteur, l'introduction, le mot fin et l'élément perturbateur, et s'enchaînent les péripéties comme dans tous les récits. Puis à des moments précis arrivent les regrets et les si on commençait notre histoire à zéro, tu serais Esmeralda et je serais Zorro. À la hauteur de tes souhaits, mais à vous pour te satisfaire faudrait tout le temps changer de trait. Désolé, je suis rien d'autre qu'un homme simple et j'avoue que pour te plaire j'en ai développé des attraits. L'émiettement de mon moral, car tu es bien au courant. J'aimerais que l'on partage, si tu veux un instant, l'émiettement de mon moral, car tu es bien au courant. J'étais jusqu'à ce jour bien sorti de la rupture, mais il a fallu que tu reviennes avec tes instrus de torture. Armé d'une allumette que tu as gratté contre mon cœur, il s'est renflammé de tout sec. Sans aucune rancœur, les bras ballants et l'air béat. Je t'ai attendu quelques mois, mon bouquet de fleurs fanant. Et le nœud dans l'estomac, le costume de Zorro qui pourrissait en bas de chez moi. Quand tout à coup, enfin te revoilà. Ça y est, j'avale tes mots comme une poire au chocolat. Je te fusille du regard comme un bienheureux soldat. Je ne suis pas intéressé par le film du cinéma, seulement par l'actrice assise à côté de moi. On a joué jadis Roméo et Juliette, l'aurait-on trahi en retournant notre veste? Toi l'indifférence et moi la déception, je peux te dire ça sans le rance dans mes illusions. Alors si tu as fini de me prendre pour cobaye, je vais rentrer les yeux mouillés dans ma campagne. Alors si tu as fini de m'utiliser comme cobaye, je rentrerai les yeux mouillés.